11 poteaux, expression libre, Gilelli et Gay Verso. Ha! On voit que je check le mic pour ton ray dans les dents. À la manière Tyson au mic pour l'entrine de moi ardent. C'est trap old school, à l'ancienne c'était plus cool. Sauvage pour le kick, pas grave, ripou pour le beat. Tu vois, il stade sur les murs et l'inspi me murmure. Et des faces qui déboîtent de derrière l'anti-pop. Ça fait pop, pop, pop, pop. À la droite, tu hip hop. Le lourd, le vrai, le fat, le vrai. Qui cherche la diversité et pas la chute des refrains. C'est du battle of the year sur les pages de mon cahier. Ma plume full fire en smartphone à la ciné. C'est du 400 ml Montana, combat africain. Je reste cool, une seule gang, l'oreille sur du Wu-Tang. C'est du vrai rap sale que je débite, que je débatte. Que je balance, que j'étale, que je dégueule, que je m'olare. Lyrical punchliner, garde ton honneur. Trop d'auteurs finissent acteurs dans le rap des médias. La danse des faux gars et dans la télé. Si tu veux de la qualité et si tu crois que le rap est mort, depuis ça tombe, je ricorde. Je te donne des faces qui pètent, qui pètent, qui prennent la tête.